La 20e exposition nationale des succès scientifiques et techniques du sport est ouverte le 8 courant au Palais des sciences et techniques à Pyongyang, en présence du vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, Choi Ryong-hae, président du comité de direction nationale de sport, des officiels intéressés, des cadres du domaine du sport et des travailleurs. Y ont été présentées plus de 1400 réalisations scientifiques et techniques comme programmes, appareils de mesure, matériel sportif, livres et dissertations des unités du secteur sportif et des domaines d'enseignement, des sciences et techniques, des usines et entreprises.